sa ki pa sel mwen pa ka pale. Rive pou li konpense, konpense, mwen an kon s'aret. Ou fèk se fèk ou pèche mortel, konfesyon par son bagay a pa. Let me go. yo, ça qui passe, le moins pas capable. Arrivé pour les confesser, mon père, mon enfant s'arrête. Ou faire ce veille ou péché mortel, confession par son bagage. Trois péchés.